Il faut être très mental pour donner ton autre joue. Moi, si je donne mon autre joue au gars, c'est parce que j'ai une raison, Charlie. Si je donne mon autre joue au gars, c'est parce que j'ai une raison. Moi, il donne assez un shot, il va dire, moi, dis qu'il est gentil, ce gars-là. Moi, il conscient de ça. Il faut que j'ai une raison. Mais si j'ai rien à faire avec lui, il est Miss Chicago. Sentiment. T'es frère. C'est tellement inouï le sentiment que moi je vous parle, puis au fur et à mesure que je parle, je vais chercher dans mon esprit constamment du matériel. C'est inouï le sentiment. Je pourrais vous en parler indéfiniment du sentiment. Tant c'est inouï. C'est tellement inouï le sentiment que ça crée dans le monde de la mort des explosions de lumière chaque fois que ça se produit sur la Terre. Et ces explosions de lumière-là deviennent pour les entités qui sont mortes de la lumière avec laquelle ils travaillent. Le sentiment vécu sur la Terre dans les basses profondeurs de l'astral devient un petit peu de luminosité pour ceux qui sont là. Les hauts sentiments spirituels sont de la lumière pour ceux qui sont là. Les grands sentiments de la religion catholique, du monastisme, de la prière catholique durant la Deuxième Guerre mondiale ont créé dans l'astral tellement de lumière que ça l'a empêché que l'Axis gagne contre les Alliés. Parce que plus il y a de lumière dans le monde de l'astral, plus les entités là qui sont dominées par les forces luciférienne, à quelque niveau que ce soit, parce que les forces luciférienne dominent autant les saints que ceux qui sont dans la bas astral. Imaginez-vous pas que les forces luciférienne ne sont pas actives tout partout dans l'astral. Mais quand il y a de la lumière dans le haut astral, ces forces-là sont plus impuissantes que de coutume. De sorte que quand il y a beaucoup de sentiments spirituels sur la Terre, il y a beaucoup de lumière dans l'astral. Alors ceux qui sont là voient un petit peu plus clair. Alors les actions et les retombées sur la Terre sont plus positives. C'est même, ça va jusque-là, le sentiment. Autrement dit, le sentiment sur la Terre, c'est la lumière de l'astral. S'il n'y en a pas de sentiments, s'il y a la débaucherie, s'il y a la condescendance, s'il y a des sentiments réellement bas en vibration, tu n'as plus de lumière. Si tu as des grands sentiments mystiques, spirituels, tu as beaucoup de lumière. Et c'est ça qui crée les hauts cycles et les bas cycles de la civilisation. Alors, si on considère que les sentiments vécus sur la Terre illuminent l'astral ou lui enlèvent de la luminosité, on s'aperçoit jusqu'à quel point l'homme est responsable sur la Terre du monde de la mort. Et que l'homme entretient le monde de la mort. Et que l'homme entretenant le monde de la mort est responsable de la mort qui existe sur la Terre. Et lorsqu'un jour l'homme sera conscient et qu'il sera sorti de son ignorance, il ne sera plus responsable de la mort sur la terre ou qui vient après la mort, après la vie terrestre. Et à ce moment-là, la mort commencera petit à petit à s'éteindre. Alors avant, c'est la vie qui s'éteignait. Maintenant, ce sera la mort qui s'éteindra et la vie deviendra immortelle. Mais il n'y aura plus de sentiment. Parce que le sentiment nourrit les morts. Et vide les vivants. Ah, cette énergie-là, qui devrait nous servir, nous, des hommes, pour transmuter nos matières, elle sert à nourrir les morts, à nous vider, nous, et à retourner cycliquement au monde de la mort. L'équation est très simple. L'homme doit comprendre tous les aspects de la vie, tous les aspects de sa vie, tous les aspects qui conviennent à l'impression qu'il a de sa vie. Pour sortir des conventions sociales de sa vie et pour rentrer dans la convention de l'esprit, ce qu'on peut appeler la communion de l'esprit, kafir. L'homme est un être supérieur de plusieurs étapes. L'homme est un être supérieur en composition organique. Il est un être supérieur en composition chimique, électromagnétique. En composition d'esprit, l'homme est un être supérieur. L'homme est un être supérieur. L'homme est un être qui ne doit pas être d'une façon permanente lié aux lois de la mort, aux lois de la matière. L'homme est un être qui doit retourner au monde de l'éther d'où il vient en esprit, mais cette fois-ci avec sa force pour travailler. Et ce qui l'empêche, ce sont les sentiments. Fait que je vous invite au cours de votre vie qui vient à bien regarder vos sentiments, à bien les regarder, vos sentiments, parce que c'est la mesure de vos sentiments qui déterminera la mesure de votre immortalité. Plus vous aurez de sentiments, moins vous aurez d'occasions, de chances, d'opportunités dans cette vie matérielle à transmuter vos corps. Si vous en arrivez un jour à bien comprendre les lois de l'esprit et à bien confondre l'esprit et l'intelligence de l'esprit contre l'ignorance, pas confondre, mais fondre, contre l'ignorance, à ce moment-là, vous serez capable de ressusciter vos corps subtils, qui éventuellement vous donneront suffisamment de luminosité pour transmuter la matière plus tard. Vous connaissez pas l'avenir, vous connaissez pas la fin de la génération, vous connaissez pas la fin du cycle, vous connaissez pas les secrets de l'humanité, vous connaissez pas les droits de la lumière sur la Terre. La lumière a des droits sur la Terre. Et la lumière commence à prendre ses droits sur la Terre. Elle commence à imposer ses droits sur la Terre. La lumière. Moi, je suis un homme aujourd'hui, mais demain, il y en aura plusieurs. La lumière reprend ses droits sur la Terre. Et lorsque la lumière aura pris suffisamment de ses droits sur la Terre, la lumière changera la conscience humaine. La lumière changera l'homme, transmutera l'homme et créera un homme nouveau, dans lequel le sentiment ne pourra plus apparaître dans ses actions, de sorte que l'homme ne sera qu'intelligence manifeste. Autrement dit, esprit descendu dans la matière, fusionné. Ça ne se rationalise pas un sentiment. Ça se tue. Tu ne rationalises pas un sentiment. Tu rationalises un sentiment, tu n'arriveras pas. Tu vas avoir des tensions. Ça va te mijoter dans la tête. Culpabiliser. Mais il faut avoir la force mentale pour le faire. Il faut avoir l'intelligence mentale pour le faire. Il faut avoir l'énergie mentale pour le faire. Ça ne se fait pas sans énergie mentale. Ça. Sans ça, vous allez avoir des tensions, vous allez souffrir, vous allez avoir de la culpabilité, vous allez avoir des excès de sensibilité. Vous allez souffrir dans votre ego, vous allez avoir du doute. Vous allez questionner vos valeurs morales. Vous allez vous demander si vous êtes sa bonne traque ou sa mauvaise traque. Vous allez vous demander si Bernard Wallet est en train de fourrer ou non. T'sais, vous allez vous demander toutes sortes de choses. Ça va loin, le sentiment. L'homme de demain doit être un axe qui lie la matière avec l'éther. Un axe. C'est pour ça qu'il y a très peu d'hommes sur la Terre qui passent au bord dans cette sexe-ci. Très peu. Un petit nombre. Petit nombre. Si on considère la population de la planète. Parce que ce n'est plus une question pour l'homme de grandir, c'est une question pour l'homme de mourir complètement. Fini, c'est l'affaire de grandir puis d'évoluer. J'ai dit, l'évoluer, c'est une illusion. C'est pas l'affaire d'évoluer puis de grandir, c'est l'affaire de tuer l'homme ancien pour redonner naissance à un homme véritable qui est l'homme nouveau. Le tuer complètement. Et comment on tue l'homme ancien? C'est dans ce sentiment. C'est dans ce sentiment. Il n'y a pas d'autre façon. L'homme ancien est fait de sentiments. C'est sa composition la plus fondamentale, le sentiment. Il est sentiment. Moi, j'ai bien souffert, puis j'ai bien souffert, puis j'ai bien souffert. Puis personne sans terre souffrira comme j'ai souffert. Puis je ne voudrais pas retourner en arrière un moment. Je ne voudrais pas retourner un moment en arrière. Je ne recommencerai pas ma souffrance. Je ne suis pas capable. Je ne recommence pas. Mais je ne voudrais pas être autre que ce que je suis. Ce que je sais. Ce que la souffrance m'a donné. Je ne voudrais pas être autre. Tant que c'est clair et net. C'est inouï du sentiment. Un homme qui comprend le sentiment comprend tout ce qui est de l'esprit. Un homme qui connaît, qui comprend les lois du sentiment connaît et comprend tout ce qui est de l'esprit. Ça, c'est vous là? Mais là, vous dites. On n'est pas au stage où vous êtes obligé de me croire, là, vous êtes capable de vous parler. Puis apprendre d'autres choses. D'après vous-même. Un homme qui n'a plus de sentiments dans le sens dont je le parle. Je ne parle pas d'un homme qui n'a pas de sentiments, comme Himmler. qui avait des sentiments, mais des sentiments négatifs. Je parle d'un homme qui n'a pas de sentiment, qui est au-dessus du sentiment positif ou négatif et dans le secret de l'esprit, instantanément. Il n'y a pas de choix. Parce que le voile de la mort n'existe plus. Et le voile de la mort n'existant plus pour l'homme, le mensonge n'existe plus. Et le mensonge n'existant plus, il a accès à tout ce qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'il a accès à tout ce qui est nécessaire. Pour lui, pour sa vie. Et qu'est-ce que c'est qui est nécessaire pour l'homme? Son esprit. Un homme qui a son esprit, il a tout. Un homme qui a son esprit, il a tout. Puis moi, je le sais dans mon expérience, la réalité de ça. Un homme qui a son esprit, il a tout. Avec les sentiments, watchez les becs. Et c'est ça qui sera la plateforme de votre évolution à venir, de la transformation de vos corps dans les années, dans les mois à venir. C'est ça, c'est le top. Vous ne serez jamais suffisamment intelligent pour comprendre vos sentiments tant que vous ne les aurez pas détruits. Et moins vous aurez de sentiments, plus vous serez intelligent. C'est une loi cosmique. C'est la loi des intelligences cosmiques, universelles, interplanétaires, patati patata. Ils disent que l'homme est un chien à cinq pattes. Il y a la patte de la croyance. Il y a la patte de la foi. Il y a la patte de la mémoire. Il y a la patte du sentiment. Et il y a la patte de quoi? La crainte. Puis ces cinq pattes-là font de lui un être qui regarde vers le sol. Qui regarde vers en bas, qui, autrement dit, qui ne regarde pas vers son esprit, dans son esprit. Il regarde toujours vers en bas. Le regard n'est jamais parfaitement clair. Il est toujours question. La foi, la croyance, la mémoire, le sentiment et la crainte. Puis la fête du sentiment et la crainte, ça va ensemble. La fête de la foi puis la crainte, ça va ensemble. La croyance puis le sentiment, ça va ensemble. Puis la mémoire, mais ça les contient tout. Ça se tient tout. Ça se tient tout, tout, tout, tout. C'est inouï. Et on vit de ça. On vit de ça. Là, ils nous enlèvent petit à petit les pattes. Ils nous ont enlevé la foi. Ils nous ont enlevé la croyance. Il nous enlève petit à petit la mémoire. Il nous enlève petit à petit le sentiment. De sorte qu'éventuellement, il nous enlève la crainte. Quand l'homme n'a plus de crainte, il est dans l'intelligence. Quand l'homme n'aura plus de crainte sur la terre, il sera dans l'intelligence cosmique. L'intelligence parfaite de son esprit. Mais ce qui crée cette crainte, c'est la foi, la croyance, la mémoire et le sentiment. Prends un break. Pense à ça. Il se produit une chose dans la conscience de l'homme lorsqu'il est capable, à cause de son état mental, de ne pas succomber à la vibration que crée un sentiment dans son corps astral. Il devient partiellement psychique. Je m'explique. Vous savez que les animaux sont sensibles, hein? Sont extrasensoriels, les animaux. Et si les animaux sont extrasensoriels, pourquoi est-ce que l'homme ne serait pas extrasensoriel? Et ce qui tue l'extrasensorialité chez l'homme, c'est son sentiment. Soit l'excès, les grands sensibles, là, ceux qui sont par-dessus. Mais le sentiment tue l'extrasensorialité chez l'homme. Parce que le sentiment transmute la nature animale de l'homme. C'est comme si le sentiment enlève à l'homme de sa nature animale. C'est ça qui a fait l'homme qu'on connaît. Autrement dit, la différence entre l'homme de la cinquième race et le royaume animal, c'est le développement très, très complexe du sentiment au cours des âges. Alors, quand le sentiment devient un petit peu trop négatif, là, ben là, vous avez l'homme qui est réellement machiavélique, là. Himmler, les grands tueurs, les grands. T'sais. Puis dans l'opposé, mais vous avez les grands saints, les grands mystiques. Alors, vous avez une. Bon. Alors, le sentiment a permis à l'homme animal de développer de très grandes qualités humaines. Mais toujours des qualités humaines qui provenaient de la transformation du corps astral et non de la transmutation du corps astral. Alors, le sentiment, qu'est-ce que c'est? C'est le processus de transformation au cours des âges du corps astral animal de l'homme. Alors, comme c'est de la transformation au cours des âges du corps astral animal de l'homme, ça veut dire que le sentiment chez l'homme, qu'il soit haut ou bas, c'est toujours de l'animalisme. C'est toujours de l'animalisme. C'est toujours inférieur à l'homme de demain. C'est toujours inférieur à l'homme esprit. C'est toujours inférieur à l'homme muté. Alors, pour que l'homme passe de l'involution à l'évolution, il faut qu'il mute, il faut qu'il transmute. Alors, il faut que le corps astral, il faut que la substance astrale, il faut que tout ce qui est sentiment qui appartient historiquement, génétiquement, biologiquement, pour la mémoire, à l'expérience animale de l'homme, soit complètement éliminé. Ça crée la transmutation. Ça amène l'homme à un nouveau stage d'évolution. Ça crée chez l'homme le développement. Ça permet à l'homme de développer un cinquième principe, qui est la conscience supramentale, qui sépare complètement l'homme du royaume animal. Une fois que l'homme est séparé du royaume animal, l'homme a le pouvoir sur la matière. Parce qu'à ce moment-là, il devient un porteur d'esprit. Au lieu d'être un être biologique, composé, complexe, manipulé par de l'esprit inférieur, sur des plans inférieurs, à l'esprit cosmique. Alors, c'est pour ça que quand je vous parle des sentiments, je vous parle pas seulement des sentiments sur le plan psychologique, sur le plan humain. Je vous parle des sentiments en fonction de la réorganisation astrale de l'homme pour que cette énergie, au lieu de servir sa nature inférieure, sa nature animale, serve à transmuter cette nature pour que lui devienne demain surhomme, surplanétaire, universel, ainsi de suite, whatever. C'est difficile pour nous autres de mesurer la valeur d'un sentiment parce que la valeur d'un sentiment dans notre vie, elle est toujours le produit de l'exploitation émotive de l'autre. Je le répète. C'est génial. La valeur d'un sentiment, c'est toujours l'exploitation de la valeur émotive de l'autre. Alors, pour nous autres, c'est difficile d'avoir une pleine mesure de la valeur détrimentale d'un sentiment. Parce que on exploite toujours la valeur émotive du sentiment. On se nourrit du sentiment. C'est comme si tu te nourris de quelque chose. Fait que quand tu te nourris quelque chose, quand tu es occupé à te nourrir quelque chose, c'est comme si tu as bien faim, tu sais. Tu as bien faim, là. Tu manges n'importe quoi, tu as bien faim. Quand t'as bien faim, t'as pas le temps de te questionner si c'est bon ce que tu manges ou si c'est pas bon. Tu manges d'abord. Après ça, si c'est pas bon, tu verras. Tu auras une indigestion. Mais on the spot, faut que tu manges tout de suite. Bon, mais le sentiment, c'est la même chose. On en mange tout de suite. On en mange pendant notre vie. On réalise pas sa valeur négative parce qu'on a faim. On vit de ça. C'est toujours là, on a de besoin. Fait qu'automatiquement, on se nourrit énormément de ça, mais à un certain point, si on passe à une autre étape d'évolution, et si on... Si il nous est mis dans notre esprit des idées qui ne conviennent pas à l'évolution, ben automatiquement, là, on commence à pouvoir mesurer la valeur négative du sentiment. Il faut qu'on soit un peu dans notre esprit pour pouvoir mesurer la valeur négative du sentiment. Si on n'est pas dans notre esprit ou si on n'est pas en rencontre avec un esprit quelconque qui puisse nous le faire voir, à ce moment-là, c'est très difficile pour nous autres de réaliser ou de la réaliser, cette valeur négative-là, parce qu'on se nourrit de ça. Toi, t'es une mère, t'es bien bonne pour toi, puis elle te donne, viens-t'en, mon nounou, m'a t'faire une des tartes au raisin, puis m'a t'acheter des petits cadeaux. T'sais, elle te nourrit pendant des années, ta mère, elle t'aime, puis elle t'aime. Fait que tu développes des sentiments envers ta mère, t'as pas le choix. Elle te nourrit, puis elle te nourrit. Mais quand tu te conscientises, tu commences à voir pourquoi est-ce qu'elle te nourrit. Que tu commences à réaliser qu'elle te nourrit et qu'elle t'offre toujours des grosses tartes au bleuet qui viennent de Chicoutimi parce qu'elle s'ennuie. Puis qu'elle t'offre toujours des tartes chaque fois que tu veux te trouver une blonde. Tu restes avec elle. Là, tu commences à voir le jeu. Là. Fait que là, tu commences à voir la mécanique derrière le sentiment. Tu commences à voir pourquoi tu as du sentiment pour elle. Puis tu commences à voir pourquoi est-ce qu'elle t'attire. Ce qui te fait créer du sentiment. Fait qu'éventuellement, t'en sors. Puis là, éventuellement, tu peux le tuer, ça. Mais tu peux avoir certains regrets. Parce que t'es tellement nourri de ça pendant des années de temps que tant que t'es pas mental, mais là, t'es pas capable de mettre l'argent. Parce que ta mère, quand tu vas la laisser, mais c'est évident qu'elle va pas te laisser aller de même. Elle va dire, t'es un ingrat, je t'ai fait des tartes aux raisins, Elle va pas dire, je t'ai fait des tartes aux raisins parce que je voulais pas que tu sortes le vendredi soir. Elle va pas te parler de même. Elle va dire, je t'ai fait des tartes aux raisins. Fait que toi, tu vas être pogné avec la tarte aux raisins. Puis si t'es pas assez intelligent pour voir le lien entre la tarte aux raisins puis le fait que t'empêchais de voir ta blonde de vendredi soir, puis ça fait 20 ans que tu sors pas avec les filles, t'es rendu quasiment un drôle de moine à cause de ça, à ce moment-là, tu le vois pas. Fait que... La vie de l'homme qui se conscientise, ce n'est pas une vie facile au début. Ça devient une vie facile de plus en plus, par exemple. Mais au début, c'est pas facile parce qu'il est le seul, lui, à être responsable de ce qu'il fait et à supporter ce qu'il fait lorsqu'il est pris à combattre des faux sentiments ou des vrais sentiments. Parce qu'un sentiment qui soit faux ou vrai, c'est un sentiment pareil. C'est plus facile, nous autres, de voir à travers les faux sentiments que les vrais sentiments. Mais un sentiment, c'est un sentiment. Puis la différence entre un faux sentiment, c'est ceci. Un faux sentiment, c'est un sentiment qui est fait pour nous autres. Puis un vrai sentiment, c'est un sentiment qui est fait pour les autres. Mais d'un côté ou de l'autre, c'est un sentiment pareil. Le faux sentiment, il relève toujours d'une faiblesse. Le vrai sentiment, il relève toujours d'une trop grande qualité de cœur, de la naïveté. Fait que d'un bord ou de l'autre, ça marche pas. Le sentiment est conjointement lié à la faiblesse de l'esprit. Où il y a du sentiment, il y a de la faiblesse de l'esprit. S'il y a de la faiblesse de l'esprit, il y a une faiblesse de volonté, il y a une faiblesse d'intelligence. Fait qu'automatiquement, tu ne bénéficies pas dans la vie de sentiments. Que soit bon ou que soit pas bon, tu peux jamais bénéficier de sentiments. Tu peux en bénéficier sur le plan émotif et astral, mais tu n'en bénéficies pas sur le plan mental. C'est toi que dans les séminaires, quand je dis les parents ne devraient jamais donner d'amour à leurs enfants. Ils devraient donner de l'intelligence plus de la patience pour ne pas tuer dans l'enfant la volonté et l'intelligence. Mais si tu donnes à l'enfant de l'amour, il va développer du sentiment il va perdre de l'intelligence puis de la volonté. Les lois vibratoires de l'énergie du corps astral et du corps mental sont des lois fixes. Ce sont des lois fixes. Ce sont des lois fixes. Ça marche de même. Ce sont des lois d'énergie qui sont prédictibles. On peut connaître parfaitement le développement de telle, telle, telle personne selon son évolution en relation avec un framework de compréhension précis qui vient de l'esprit. Tu peux le minuter, le chronométrer au cours des mois, des 6 mois, des années. C'est immuable. Une des belles conditions de l'esprit, une des belles conditions de la relation entre l'homme et l'esprit, c'est que l'esprit est parfaitement stable dans son intelligence. Il n'y a aucune instabilité dans l'intelligence de l'esprit. Moi, j'ai déjà demandé, j'ai déjà demandé ça, je me suis servi, j'ai passé par ma femme pour le savoir. J'ai dit à ma femme, j'ai dit tout d'un coup, que je me ferais jouer un tour par l'esprit, mais le tour sera tellement fin que je m'en apercevrai pas, que ça apparaîtra comme un bon tour. J'ai dit, quelle preuve que j'ai, moi, que tout ce que je dis, puis que tout ce que je fais, c'est absolu. Quelle preuve que j'ai? Je n'ai pas de preuve, moi. Je dirais pas moi dans ça. Puis avec un mot qu'elle pouvait m'expliquer pour répondre à cette question-là, elle dit, c'est la fusion. J'ai dit, la fusion. Elle dit, mentalement fusionné, émotivement fusionné, tes corps étant fusionnés, t'es lié à l'esprit. Je regardais ça. J'ai dit, je suis lié à l'esprit. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je suis lié à l'esprit. Je suis un. Mais ça veut dire quoi? Fait que là, elle me dit, si t'es lié à l'esprit, t'es un avec lui. Si t'es un avec lui, t'es un avec l'intelligence. Puis si t'es un avec l'intelligence, tu peux pas être avec d'autres choses. Mais là, ça me satisfait pas encore. J'ai dit, qu'est-ce qui me dit que je suis un avec une intelligence qui est parfaite? Je peux être un avec une intelligence. Mais qu'est-ce qui me dit que je suis un avec une intelligence qui est parfaite? Qu'est-ce qui me dit? Comment tu veux dire? Qu'est-ce qui me dit que je suis un, mais avec une intelligence qui est parfaite? Elle dit, le fait que tu peux bénéficier de ce rapport-là. Le fait que tu peux bénéficier, que tu peux vivre ta vie comme tu veux, que tu peux être créatif, que tu peux être bien dans ta peau, que tu peux être en harmonie mentale, émotionnelle, vitale et physique. Le fait qu'il y a un ordre, le fait qu'il y a de l'ordre dans ta vie. Elle dit ça, c'est un signe. Elle dit c'est un aspect de ça. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Elle dit s'il n'y avait pas d'ordre dans ta vie, qu'il y avait du désordre, ça serait de la possession. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Fait que s'il y a de l'ordre, à ce moment-là, ben, l'ordre, dans l'ordre, il y a de la beauté. Dans l'ordre, il y a tout ce qui fait que la vie biologique pensante ou hautement évoluée puisse se reconnaître comme étant harmonisée. Elle dit l'harmonie. Elle dit l'harmonie. J'ai dit l'harmonie. L'harmonie. Ah, l'harmonie. Puis après l'harmonie, là, je pouvais plus questionner. Là. Tant que je parlais d'intelligence, puis être sûr que c'est l'intelligence qui t'a bien correct, là, je pouvais aller un petit peu plus loin. Mais aussitôt que je parlais d'harmonie, là, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui pouvait venir dans mon esprit pour questionner mon esprit. Là, c'est comme dans mon esprit, là, tout s'arrêtait. Et le sentiment, c'est anti ça. Le sentiment est anti-harmonie. Le sentiment tue l'harmonie. Là où il y a du sentiment dans la vie de l'homme, il enlève à l'homme l'harmonie. Ah, il va créer dans la vie de l'homme une condition temporaire harmonieuse. Bon sentiment. Si le sentiment est plus bon, ben là, ça crée automatiquement de la désharmonie. Mais là où il y a sentiment, il n'y a jamais d'harmonie dans le sens du rapport entre l'homme et l'esprit. Parce que l'esprit de l'homme n'a pas besoin de sentiments pour se manifester à l'homme. Parce que l'esprit de l'homme, l'esprit n'a pas besoin de forme astrale. Tandis que l'homme, lui, quand il est dans son ego, il a besoin d'une forme astrale pour vivre une certaine vie quelconque à cause de sa nature animale. Mais l'esprit, lui, n'a pas besoin de ça. Alors, aussitôt que l'homme est dans son esprit, dans son intelligence, la seule chose qui existe et qui permet à l'homme d'être bien, c'est l'harmonie, c'est-à-dire la balance parfaite entre l'esprit, l'énergie de l'esprit et ses corps inférieurs. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a plus besoin de sentiments. Fait que si l'homme est bien en rapport avec l'esprit parce qu'il n'y a plus de sentiments dans sa vie, à ce moment-là, automatiquement, il peut être bien avec les hommes, mais toujours en fonction des lois de l'esprit et non en fonction des lois ou des conventions sociales. D'où émanent, ou d'où se construisent, d'où se perpétuent les sentiments. C'est pour ça qu'un homme qui est marié et qui est dans son esprit, avec une femme qui est dans son esprit, ils n'ont pas besoin de sentiments pour être bien. C'est dans leur esprit individuellement qu'ils sont bien. Mais quand l'homme n'est pas dans son esprit et la femme n'est pas dans son esprit, ils ont besoin des sentiments pour être bien ensemble. Mais ils ne sont pas dans leur esprit. Si les sentiments sont bons, ça marche. Sont en amour. Si tes sentiments sont déréglés, ils sont plus bons. Là, ils sont en chicane. Mais si l'homme ne tue pas les sentiments dans l'œuf, en n'arrive pas à comprendre la loi des sentiments par son esprit, il ne rentrera jamais dans son esprit. De sorte qu'il ne pourra jamais être en harmonie avec l'homme, comme il est en harmonie dans son esprit. Fait qu'automatiquement, il va se créer des conditions fictives, factices, pour essayer d'être le plus en plus en harmonie avec l'homme. Ça, c'est l'amour, puis le sentiment d'amour. Ou des sentiments opposés qui vont mener la guerre ou la haine, la destruction. Mais on est tellement habitué. Moi, j'essaye des fois de me mettre dans votre peau. C'est tough parce que je suis pas capable de penser puis de réfléchir. Puis j'ai perdu depuis trop longtemps cette conscience. Mais je sais que c'est difficile de vivre sans sentiment, pas de sentiment. Et qu'il n'y a rien qu'une façon pour l'homme de vivre en dehors de l'expérience du sentiment, c'est au fur et à mesure qu'il rentre dans son esprit, qu'il comprend les lois de l'esprit. Autrement dit, que quand sa vie vient ou l'amène, il lui fait vivre un sentiment quelconque qui va être clair tout de suite, puis qui se rappelle tout de suite. Qui voient et qui se servent du matériel de l'instruction pour comprendre ce qui se passe dans le sentiment présentement. Là. Puis là, il avance, puis avance, puis avance, puis avance. Puis un jour, il a compris ça. Toi, t'as compris ça. Puis tu vois que c'est ce qui se passe quand on comprend ça. Hein? On devient un peu plus intelligent de notre intelligence. Quand tu commences à voir ça, là, tu commences à être plus. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu deviens plus intelligent de ton intelligence. Parce qu'un jour, il faut qu'on soit intelligent de notre intelligence. Il faut qu'un jour, on le sache qu'on est dans l'intelligence. Si on a trop de sentiments, on ne va pas savoir. Puis regardez les gens qui sont de plus en plus dans leur intelligence, vous verrez que c'est des gens qui ont de moins en moins de sentiments. C'est inévitable. C'est une loi universelle. Moi, je ne dirais pas des noms parmi vous autres, là. Mais les gens parmi vous autres qui sont le plus mental ont le moins de sentiments. Les gens qui sont le plus mental parmi vous autres ont le moins de sentiments. Regarde Gisèle. Gisèle n'a pas de sentiments. Elle n'a peut-être un petit peu. Pierre-Cours. T'en as-tu du sentiment, Gilles? Il t'en reste-tu de ça? Pas tellement. Pourtant, c'est une femme, ça, qui, dans l'inconscience, c'était la personnification du sentiment. Sa sensibilité, peut-être, sa sensibilité se manifestait dans du sentiment de toutes les sortes. C'est un vrai verger, son affaire. Puis au cours de l'initiation, on ne parle pas aujourd'hui du sentiment de ne pas. Presque pas. Ça prendrait des situations là, très pénibles dans sa vie, là où elle verra s'il y en a. Mais son état de conscience est assez élevé pour qu'elle tuera. Elle tuera dans l'œuf. T'arrives à un point, là, t'es capable de tuer une affaire dans l'œuf. Plus tu deviens intelligent, plus tu es dans ton esprit, moins tu as de sentiments. Je pense que tu peux toujours en avoir un petit peu, il peut toujours avoir une petite affaire qui peut passer, mais tu vas le voir et tu vas le couper. Tu n'es pas aussi protégé du sentiment que si tu es fusionné. Si tu es fusionné, c'est normal, tu peux pas en avoir, c'est d'autres qui rendent le show. Mais quand tu n'es pas fusionné, là, tu peux arriver à un stage où du sentiment, tu peux plus en souffrir du sentiment. Là, c'est là que tu commences à mesurer ton intelligence. Tu commences à pouvoir avoir une mesure de ton intelligence. Une mesure qui est dans ta tête, qui est pas mal précise, qui est pas mal, ça se mesure pas en pouces, puis en... C'est une mesure, c'est vibratoire, cette affaire-là. Moi, je suis sûr que Gisèle, elle a une mesure de son intelligence. Elle sait où ça part, puis où ça finit, son affaire. Ce qu'elle est capable de faire. T'sais. Elle connaît comme ses limites. Puis le fait que le développement de l'intelligence est proportionnel à la destruction du sentiment, ça nous indique énormément de choses dans notre vie. Ça nous indique d'abord qu'on ne peut pas, que notre esprit ne peut pas être libéré tant que ces sentiments-là sont pas battus. Ça nous explique qu'on ne peut pas s'immortaliser tant qu'on n'est pas totalement libre de ça. Ça nous explique que l'immortalisation sera le produit du raffinement extrême de notre corps astral. Le raffinement extrême du corps astral. Extrême. Puis moi, je sais jusqu'où extrême. Vous autres, vous savez pas, moi, je sais. Moi, je regarde dans 25 ans, 30 ans. Je sais. Ouais. Là, on vit dans un monde, ça marche, les affaires marchent pas trop, là, mais ça marche encore, tu sais. Mais on a des événements à vivre, nous autres, dans les années à venir. Regardez comment ce qu'on a vécu depuis une vingtaine d'années. La guerre au Vietnam, après la guerre de Corée, la Deuxième Guerre mondiale. Puis ça, c'est de la petite bière. Fait que c'est demain que l'homme va pouvoir mesurer jusqu'à quel point il y a du sentiment. Des sentiments de toutes sortes. Et c'est là que va se décider. C'est là que va se décider qu'il y en a qui passent là, puis qu'il y en a qui passent là. C'est vibratoire, la décision. C'est pas une décision psychologique. Pas quelqu'un qui va dire, toi, tu t'en vas par là, puis tu t'en vas par là. Faut pas être niaiseux de même. C'est vibratoire. Il y en a qui vont voir, c'est vibratoire. C'est énergétique. Puis on a peur d'étuyer nos sentiments. On a peur de faire l'erreur d'étuyer les sentiments. On a peur. On a peur. On a peur de se tromper. Tu peux pas te tromper quand tu tues un sentiment. Mais on a trop peur de se tromper. On a peur de se tromper. C'est pourquoi est-ce qu'on a peur de se tromper? Parce qu'on a trop de sentiments. C'est un cercle vicieux, un petit cercle vicieux, c'est ça? C'est le sentiment qui fait qu'on a peur de se tromper. Ça montre jusqu'à quel point le sentiment tue notre intelligence. Si t'as pas peur de te tromper, tu t'agirais de telle façon dans une situation de sentiment, puis tu te retournes le dos, tu sais. Mais on a peur de se tromper. Fait que ça diminue notre action, ça diminue notre volonté, notre intelligence. Puis ça, c'est parce qu'on a trop de sentiments. Fait que moins on a du sentiment, moins on a peur de se tromper. Puis un jour, on n'a pas suffisamment de sentiments pour avoir peur de se tromper. Puis un jour, t'as plus de sentiments presque. T'es quasiment sûr de plus te tromper. Puis un jour, t'en as plus de sentiments puis tu te trompes plus. Mais il faut plus que t'aies le sentiment pour plus te tromper. Moi, je me trompe pas parce que j'ai plus de sentiments. C'est pour ça que je me trompe pas. Quand je dis, moi, j'ai toujours raison, puis je suis sûr d'être sûr, c'est parce que j'ai plus de sentiments. Si j'avais le moindrement de sentiments, je pourrais même pas dire, je suis sûr d'être sûr. Essaye de dire, t'es sûr d'être sûr. Tu vois comment ça vibre dans tes corps. Essaye d'une journée. Mais on se calme, ça va. Essayez un jour de vous réaliser comme étant sûr d'être sûr d'une situation. Vous allez voir que vous ne serez pas sûr d'être sûr. Vous êtes sûr? Vous êtes pas mal sûr? Mais vous ne serez pas sûr d'être sûr? Sûr d'être sûr, c'est un état d'esprit. C'est l'esprit dans la matière, sûr d'être sûr. Sûr d'être sûr, c'est sûr d'être sûr. Mais il faut pas que tu aies des sentiments. Si tu as moindrement de sentiments, ça va diminuer ton sûr d'être sûr. Ça va diminuer ton action, ta volonté dans l'intelligence. Moi, quand je dis quelque chose, je suis sûr d'être sûr. Je suis tellement sûr d'être sûr que quoi? Il dit que je suis sûr d'être sûr. Ça se discute pas. Le monde peut le discuter, mais moi, dans ma tête, dans mon moi, dans ma réalité, je suis sûr d'être sûr. Moi, quand j'ai dit un jour, ce gars-là, faut qu'il disparaisse de la planète, moi, non, c'est moi qui disparaît de la planète. On peut pas coexister dans l'éther. Il retarde mon travail. Faut qu'il disparaisse. Au mois de février, faut qu'il parte. Je t'assure, faut qu'il parte. C'est parti. C'est ça, c'est vrai, tu sais. Sans sûr, il sera pas parti. Mais le sûr d'être sûr n'appartient jamais à l'ego. Il appartient à l'esprit dans l'ego. C'est ça la différence. Vous autres, quand vous êtes sûr, c'est l'ego qui est sûr. Quand vous serez sûr d'être sûr, ça sera l'esprit dans l'ego qui se manifeste. L'ego ne peut jamais être sûr d'être sûr. C'est toujours l'esprit dans l'ego qui est sûr d'être sûr. Alors, quelle fusion entre l'esprit et l'ego? Moi, quand je dis « je suis sûr d'être sûr », c'est pas moi qui dis que je suis sûr d'être sûr. C'est moi qui dis que je suis sûr d'être sûr. Puis moi, c'est pas Bernard de Montréal. Moi, quand je dis « je suis sûr d'être sûr », je suis sûr d'être sûr. Bernard de Montréal n'est pas capable de dire qu'il est sûr d'être sûr. Ça fait partie de mon pouvoir sur Bernard de Montréal, pas pareil. Vous autres, vous voyez Bernard de Montréal, mais moi, vous ne me voyez pas. C'est ça qui fait la différence. Mais tous les hommes ont une réalité qui est derrière leur matière. Mais vous avez pas, vous connaissez pas votre réalité qui est derrière votre matière, parce que vous avez des sentiments. Vous les avez toutes, vous avez toute une réalité derrière votre matière, vous autres, qui est sûr d'être sûr. Mais votre ego, à cause de vos sentiments, vous empêche d'avoir accès à cette réalité-là, de ça que vous pouvez pas être sûr d'être sûr, vous pouvez pas être dans votre esprit, dans votre intelligence. C'est ça le début de l'ignorance sur la terre. Moi, je vous parle, puis je vous parle, puis je vous parle, puis je peux vous parler, puis parler, puis parler. Pourquoi est-ce que je peux vous parler? Parce que je suis pas Bernard de Montréal, moi. Bernard de Montréal, il peut pas vous parler comme ça, il y a une mémoire qui est limitée. Mais moi, ma mémoire est illimitée, la mienne. Puis c'est ça le mystère de l'âme. Puis un jour, les hommes sur la terre doivent être connectés au niveau de leur esprit. Au niveau de leur esprit. Fait quand l'esprit de un pourra communiquer avec l'esprit de l'autre, puis l'esprit de l'autre, puis l'esprit de l'autre, on pourra engendrer, nous autres, les intelligences supérieures, des lois, des plans de vie sur la terre qui conviendront à l'ego de l'homme dans la matière. Là, à ce moment-là, ben, l'homme sur la terre aura une science universelle. Mais nous autres, on travaillera dans les terres. On n'est pas intéressé à travailler sur la terre. On travaillera dans les terres. L'esprit ne travaille jamais sur la terre. L'esprit, c'est l'esprit. L'esprit ne fait pas partie du monde de la terre. L'esprit fait partie du monde mental. Nous autres, on est bien dans le mental. Mais vous autres, vous êtes bien sur le plan matériel. Mais qu'est-ce que c'est, vous autres? Qu'est-ce que ça veut dire, vous autres? Vous autres, vous avez l'impression de vous autres parce que vous avez un moi qui réfléchit les sentiments que vous avez envers la vie. Un jour, quand vous n'aurez plus les sentiments avec lesquels vous réfléchissez la vie, vous n'aurez plus d'ego qui prendra conscience de lui-même. À ce moment-là, l'esprit sera dans la matière. À ce moment-là, vous serez sûr d'être sûr. Comme Bernard de Montréal peut le dire quand il parle. C'est un jeu de l'esprit, la dualité de la forme et de l'esprit. C'est un jeu d'esprit. Un jour, si on décide, nous autres, de transmuter la matière de Bernard de Montréal, on va transmuter la matière de Montréal. Si on veut que Bernard de Montréal disparaisse, on le fera disparaître, Bernard de Montréal. Mais c'est pas tes affaires. C'est de nos affaires à nous autres.